Bonjour, aujourd'hui je répondrai à une question. Pourquoi avons-nous été créés? L'être humain est l'enfant perdu de la création. Le train du monde est absurde et cruel. Il est évident que l'on fait partie du monde dans lequel on vit, mais pourtant on sent en même temps qu'on n'y appartient pas. Instinctivement, sans qu'on sache pourquoi, l'on sent qu'on est né pour un meilleur monde que celui-là. Moi, je me souviens quand j'étais jeune et que j'allais encore à la polyvalente et que j'entrais là le midi et que je voyais tous ces gens, tous ces autres jeunes que je ne connaissais pas, faire les fous, crier, sauter, se chamailler, se frapper, s'insulter, rire fort ou pleurer. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis pas à ma place dans ce monde. Il y a dû avoir une erreur quelque part, je dois m'être trompé de planète en venant au monde. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très, très important. Une vérité que tout le monde devrait savoir. L'homme n'est plus tel qu'il est sorti des mains de son Créateur. Le monde dans lequel nous vivons a bel et bien été créé par Dieu, mais il a été renversé, défiguré, changé, avili, altéré et détérioré. La nature humaine a également été corrompue. Sa nature a été déstabilisée. Sa connaissance du bien et du mal a été embrouillée. Voilà la vérité. Le premier homme et la première femme ont vendu leur droit de propriété sur le monde. L'ange du mal s'en est emparé et a fait entrer la maladie et la mort dans le monde en même temps que toutes sortes de souffrances, de vices contre nature, de péchés, de folies et toutes les confusions de l'esprit humain. L'humain est maintenant une créature déchue de sa nature première, qui était créée à l'image de Dieu. Au lieu d'être un prince dans le monde, en plein contrôle de sa vie, il est maintenant sous bien des rapports qu'un pauvre esclave qui se fait manipuler par les circonstances et par les autres gens. Et le comble de tout, il est esclave de lui-même. C'est Blaise Pascal qui a écrit « L'homme n'est qu'un sujet plein d'erreurs naturelles, ineffaçable et sans la grâce. » Quelque chose en nous crie notre impuissance sur la vie. Il y a en nous une marque, une trace ancienne, une place toute vide que l'on essaie en vain de remplir de tout ce qu'on peut. Et là, je cite encore Pascal, « Recherchant dans les choses absentes le secours qu'on n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu même. » Dieu ne nous a pas créés confus. Nous le sommes devenus en entrant dans un monde déjà confus. Notre vie perplexe est le résultat du mariage de notre nature malade et du monde chaotique dans lequel nous sommes tombés. Nous ne sommes plus dans l'état de notre création première. Blaise Pascal a encore écrit, « En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il est venu y faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable et qui s'éveillerait sans connaître le moyen d'en sortir. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant, c'est la plus grande de nos misères. » Fin de citation. Saint Augustin a écrit « L'âme ne trouve pas en elle-même de quoi se rassasier. » Alors, on se sent un peu comme si on était né avec des instruments de sculpteur entre les mains, un bloc devant nous et qu'on ne savait pas quoi faire avec. L'homme ne comprend plus rien de son origine divine. Saint Athanase a dit « À quoi bon avoir été créé si l'on ne connaît pas son Créateur ?» L'homme, au fond, ne rêve que d'une chose, recevoir l'amour et le donner. Dieu aussi ne rêve que de cela, donner l'amour et le recevoir. Mais l'homme poursuit en dehors de Dieu la satisfaction de son rêve et il ne trouve rien, donc il est malheureux. Tel que nous sommes, tel il nous aime, faibles, petits, misérables et pécheurs. Nos froideurs, nos inconsistances, nos trahisons même ne changent rien à l'attitude foncière de bienveillance que Dieu garde toujours à notre égard. La Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et moi, mes amis, je vous dis, c'est une vocation très élevée que celle d'appartenir à la race de ceux qui recherchent Dieu. La Bible dit, « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. » Et si vous voulez retrouver l'image de Dieu en vous, cela est très facile. Faites avec moi cette prière de tout votre cœur. Mon Dieu, je réalise que je ne suis pas dans l'état dans lequel tu as voulu me créer. Je désire être une nouvelle créature. J'accepte le Christ comme Sauveur et Seigneur de ma vie et je veux faire ta volonté sur la terre en devenant un disciple de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.